chemin. C'est l'heure de remonter le temps avec vous, Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Nous sommes le 20 février de quelle année ? De l'année 1962, c'est le jour où l'astronaute américain John Glenn réalise le premier vol orbital américain. Il va faire dans l'espace 3 fois le tour de la Terre, 62 donc 20 février. Ça avait déjà été fait par les Russes, alors oui, l'année précédente par German Titov et bien sûr quelques mois plus tôt encore, Yuri Gagarin avait été le premier homme dans l'espace. Cette fois, les Américains rattrapent leur retard, il n'est pas question de se laisser distancer par les Russes. À l'époque, on est en pleine guerre froide. Hein. On triple les effectifs de la NASA, rien que ça. On passe de 10 à 36 000 hommes. On pourrait presque dire quadruplé, d'ailleurs. Le programme Mercury est lancé en 58. Un premier vol dans l'espace est réalisé en 61 avec Alan Shepard. Il s'agissait d'une simple incursion à 186 km d'altitude. Donc, vous voyez, on était à la limite, si je puis dire. Avec John Glenn, ce 20 février 62, les Américains ont enfin placé un homme en orbite autour de la Terre à bord du vaisseau Friendship 7, enfin 7 ou 7, comme seven, vous voudrez. 7, oui, comme vous voulez. Dites-moi, il se passe comment ce vol, Franck ? Ben, il se passe plutôt bien. 4h55 minutes 23 secondes. Il aurait dû être beaucoup plus long. John Glenn était censé boucler au départ 7 tours de la planète. Seulement, il y a un très faible signal assez ambigu qui a imposé la prudence à l'astronaute. Il a donc décidé d'écourter lui-même son vol. La capsule, bientôt, se dirige donc vers la Terre. En entrant dans l'atmosphère, elle doit affronter des températures extraordinaire, mais l'amérissage se passe bien. Glenn est sain et sauf. Les ingénieurs ont simplement cru qu'il y avait un problème à bord, une faille du bouclier thermique censée justement protéger la capsule de la chaleur intense. Bref, tout est bien qui finit bien, si je puis dire, et John Glenn a eu chaud. Alors, qu'est-il devenu, justement, ah John Glenn? Il est devenu une star, hein, vous savez, célébré comme un héros national. Il est mort en décembre 2016, à 95 ans. Il avait eu le temps de faire un autre vol dans l'espace à 77 ans à bord de Discovery. Le but à l'époque, ça avait été d'étudier les effets de l'espace sur les personnes plus âgées. Franck, on vous retrouve tout à l'heure à 14h sur Europe 1. Oui, pour une émission avec Michel Carmona sur le cardinal de Richelieu.